24h sur 24, 7 jours sur 7. Fréquence Vie 89.4 FM. Merci de vous installer confortablement, amis auditeurs. Nous sommes à la première tranche de la réception des invités réalisée par Edouard Yao et assistée de Larisse Kouadio. Vous avez au micro votre frère et serviteur Joseph Ikionyawa. Nous allons commencer cette tranche en musique. La musique adoucit les mœurs, nous dit l'adage. Et nous, en Christ, nous savons que la musique fait du bien à l'âme. Chantre Alice, simplement, que nous recevons sur ce plateau. Bonjour Chantre Alice. Bonjour frère. Alors avec Alice, on parlera des connexions. La connexion elle-même c'est quoi? Mais juste avant, il faut nous faire un a cappella de la connexion dont il est question ici. Si tu veux recevoir la bénédiction de l'Éternel, tu veux avancer dans la vie, mon frère, ma sœur, sois connecté au réseau divin. C'est le bon réseau. Ah, ok. Ah, c'est toi qui chante ça, hein? Oui. Ah, voyez-vous. Et donc, Chantre Alice est sur ce plateau-là pour nous parler des connexions. C'est un album de 10 titres qui est sorti le 31 décembre dernier. Hein? 1er janvier déjà, l'album était sur le marché. Ça coûte combien? 3000 francs. D'accord. Qu'est-ce qui a poussé Alice à faire sortir un album? C'est pour ressembler aux autres? Non. D'abord même, c'est pour évangéliser. Pour évangéliser. Parce est-ce que dans la famille d'Alice, il y a des chanteurs, papa, maman, chante? Bien sûr, bien sûr. Mais ils n'étaient pas chrétiens. D'accord. Voilà. Donc, des chansonniers. Oui. Qui ont donné naissance à une sœur qui est devenue chanteuse aujourd'hui. Aujourd'hui. D'accord. Qui chante pour le Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Oui, et j'en suis fière. Quel est le message clé des connexions? Ben, d'abord même, la connexion, je parle de la parole de Dieu. Parce que si nous voulons réussir à avoir la bénédiction venant de notre Seigneur, simplement c'est d'obéir à sa parole, d'obéir à ses commandements. Voilà. Et c'est ce message que je véhicule un peu. D'accord. Alice véhicule un message de connexion. Si pour communiquer avec des gens qui sont très loin de nous, nous avons besoin de connexion internet, de connexion portable. Alors il faut dire que pour entrer en contact avec Dieu, il faut une connexion et posséder les choses de Dieu. C'est ça, hein? C'est ça. D'accord. On va dire le CD est disponible depuis. C'est disponible. Quels sont les numéros de téléphone? À la librairie Ebenezer. D'accord. À Yopougon. Et puis à la radio Fréquence Vie. D'accord. Ok. Le 07 72 60 39. On reprend. 07 72 60 39. Très bien. Alors 07 72 60 39 est le seul contact auquel il faut appeler Chantre Alice pour en savoir davantage. Allez, on se dit au revoir et puis on se parlera certainement la semaine prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Très bonne journée. Nous parlons maintenant de Mutuelle Générale d'Assurance de Santé et de Prévoyance Sociale. C'est pour présenter la structure que nous recevons donc Monsieur Patrick Thiot. C'est bien cela, bonjour c'est à vous. Bien ça. Bonjour monsieur. Alors MGA, SPS, Mutuelle Générale d'Assurance Santé et de Prévoyance Sociale. Pourquoi une telle entreprise? Est-ce que vous voulez faire la concurrence à l'État? Non, pas du tout. D'accord, allez-y. Alors, aujourd'hui, nous avons constaté effectivement qu'en Côte d'Ivoire, après plusieurs études, se soigner aujourd'hui est devenu très difficile. Voilà. Surtout pour les démunis. Quand on dit démunis, on parle de tous ceux qui sont dans le secteur informel. Voilà. Alors MGA vient aujourd'hui pour dire à tous les Ivoiriens que ce n'est pas forcément les fonctionnaires qui ont la possibilité d'avoir une couverture maladie. Tout le monde peut être couvert au niveau de la santé. D'accord. Voilà. Alors, quel lien avez-vous avec la CMU, la couverture maladie universelle? Oui. Alors, on doit dire simplement que nous venons en complément. D'accord. Aujourd'hui, la couverture maladie universelle, c'est seulement dans les hôpitaux publics. Alors, d'accord. Chez nous, c'est avec les cliniques. Avec les cliniques. Voilà. D'accord. Là, c'est bien les dit. Les cliniques, les pharmacies et la lunetterie. Donc, il n'y a pas de concurrence, c'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Très bien. Alors, on vous trouve où? Alors, nous sommes à Engrais Pétro-Ivoire, immeuble Cadet. L'immeuble est plein en jaune, blanc et bleu. Et tout le monde peut venir fonctionner tout le monde comme personnel du privé ou celui qui ne fait rien même. Celui qui ne fait rien. Vous vendez au marché, vous êtes cordonnier, vous êtes charbonnier. À la MGA, nous recevons tout le monde. D'accord. Et mais je veux dire qu'il y a des conditions, non? On ouvre un dossier, on vient avec l'argent, combien? Voilà, alors nous avons la souscription famille et la souscription individuelle. La souscription individuelle, c'est 5000 francs par personne. Donc vous venez individuellement, vous voulez vous inscrire, c'est 5000 francs. Okay. Et après les 5000 francs, vous allez payer les cotisations mensuelles. Et l'inscription famille, c'est 10000 francs. Chez nous, à MGA, on considère comme famille monsieur, madame, plus trois enfants. C'est la famille de 5 personnes. Ok. Très bien. Et on va rappeler que vous êtes situé à Cocody-Engré. Cocody-Engré, Pétro-Ivoire. C'est facile d'accès. Effectivement. Et que vous avez des numéros de téléphone, oui. Oui, troisième étage, porte 4. D'accord. Et le numéro de téléphone, c'est le 08 45 67 83. On va les prendre. Le 08 45 67 83 et le 04 79 88 08. Le 04 79 88 08. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Thio, d'être passé ici pour présenter MGA SPS, qui en réalité est la Mutuelle Générale d'Assurance et de Santé et de Prévoyance Sociale. Merci. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur. À vous également. Nous continuons et cette fois-ci avec le MDRAM, nous recevons le pasteur Ferdinand Boué qui vient parler d'un moment de délivrance qui va démarrer du 18 au 21 février 2020 au Centre évangélique des Miracles avec pour thème « Connaître et vaincre les tempêtes du désert ». Pasteur Ferdinand Boué, bonjour à vous la parole. Bonjour Joseph Ikio, shalom aux auditeurs. Voilà, le MDRAM organise un grand moment de délivrance. Vous savez que sans la délivrance, on ne peut pas parler du salut. Et le thème traité ce jour-là, c'est connaître et vaincre les tempêtes du désert. Dans le désert, il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher. Il y a la mémure, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous empêcher de vraiment vivre la gloire de Dieu. Dans le désert, Dieu faisait tomber la manne pour donner à ses enfants. Dieu agissait dans la vie de ses enfants. Mais aussi dans le désert, il y a des tempêtes, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de pouvoir rester constant dans la présence de Dieu. Et ce thème sera traité par deux orateurs de taille, le prophète Niazalé Didier, qui est le président fondateur du ministère de la délivrance et du rachat des âmes, et le pasteur Timothée Mutombo, qui nous vient de la France. D'accord. Pasteur Timothée Mutombo et puis le prophète Didier Niazalé, père fondateur du MDRAM, seront donc sur le podium pour enseigner le peuple de Dieu sur le thème « Connaître et vaincre les tempêtes du désert ». Alors, quels sont les derniers détails avant de donner le numéro de téléphone? Voilà, je veux dire à tout le peuple de Dieu que ce programme va débuter déjà du mardi 18 au jeudi 20, de 18h30 à 21h, suivi d'une grande veillée le vendredi 21, de 21h à l'aube. Je vais inviter tout le corps de Christ. L'année vient de commencer et nous sommes dans le deuxième mois de l'année. Et je crois de tout mon cœur que ce thème vraiment va faire du bien à plusieurs personnes, à des milliers de personnes de près ou de loin. Donc j'invite le corps de Christ, les pasteurs, les ouvriers, le peuple de Dieu à venir massivement afin que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Très bien. Deux contacts. Voilà, nous sommes joignables au 47 65 52 06, 47 65 52 06 ou 40 44 67 15. 40 44 67 15. Le lieu de rassemblement, c'est au Feu de Faya, à Carrefour Faya, pour tous ceux qui ne sont pas habitués à nos programmes. Dès que vous arrivez au Feu de Faya, vous tournez à votre gauche. Pour ceux qui viennent de Cocody et à Benjabi, vous tournez à votre droite, juste en face de la grande quincaillerie. Les cas seront postés là pour convoyer tous ceux qui viendront. Merci. Merci beaucoup, pasteur Ferdinand Boué, d'être passé à annoncer ce grand moment de délivrance qui se prépare du côté du MDRAM. Ce sera du 18 au 21 février 2020. Maintenant, c'est au tour du ministère international de la grâce MIGD de s'exprimer au travers de la présence du révérend apôtre Okandjo Kefa Pierre qui nous vient de la RDC. Bonjour à vous. Bonjour papa. Alors, vous serez interprété par le serviteur de Dieu, le pasteur Malachi. Vous êtes sur ce plateau et vous allez parler, donc interpréter l'apôtre Okandjo qui va parler en Lingala. Oui. Voilà. Alors, apôtre Okandjo, vous êtes invité ici à Abidjan depuis le 2 février, ça a commencé, ça se poursuit jusqu'au 21 février. C'est au ministère international de la grâce MIGD de Bishop Kouma Odette que vous avez été invité. Ouais. Pourquoi vous êtes venu à cette invitation? Ok, merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des choses. Il y a un temps où la personne va chercher Dieu. Il y a aussi un temps où Dieu cherche la personne. Alors, Dieu a parlé à sa servante Odette Kouman. Pour qu'on vienne ici, ce n'est pas pour rien. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens jeûnent. Beaucoup sont chaque jour à l'église. Mais sont des prisonniers dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi mon chrétien mais il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais leur vie ne change pas. Alors il faut que les hommes comme nous, que Dieu a permis qu'on soit ici. Pourquoi? Dieu m'a donné la mission dans le monde entier quartier où je vais pour détacher c'est les gens. C'est pourquoi on a quitté pour un programme. C'est pour cela que je suis là pour ce programme. D'accord. Rien n'est impossible à Dieu est le thème que vous allez traiter au cours de ces 21 jours de prière. Alors, apôtre Okandjo, qui peut venir à ce programme? Ce programme, c'est pour tout le monde. Même ceux qui prient. Même ceux qui ne prient pas. Parce que vie à bateau, ils allaient en danger. Parce que la vie des gens est en danger. Bazo bundana diable bazo mona bango mais bazo bazo mona diable était. Et ils combattent le diable le voit, mais ils ne voient pas le diable. Alors bah qu'on découvre secret. Qu'ils viennent découvrir le secret. Monta oki kozwa délivrance c'était ce qui a ébi ennemi na été. Une personne ne peut avoir sa délivrance s'il ne connaît pas ses ennemis. Tobengi bato nyonso. Nous appelons tout le monde. D'accord. Tout le monde est invité à venir, surtout que c'est gratuit. Il faut aller, il faut effectuer le déplacement. C'est donc à Cocody, Angré, après le château d'eau, au terrain Sotra, que va se tenir ce programme, enfin, ouais. Où se tient ce programme qui a démarré depuis le dimanche 2 février dernier. Alors, avant de partir, vous allez laisser deux numéros de téléphone. Alors, c'est le 08 65 42 16. Je reprends 08 65 42 16. Le 68 51 44 64. 68 51 44 64. Et ce que je voulais préciser également, c'est que toutes les personnes qui seront intéressées pour une réception puissent nous appeler et laisser leur nom et leur contact. Déjà. D'accord. Merci pasteur Rosine, merci serviteur de Dieu Malachi, merci apôtre Okandjo d'être passé. Okay, je pense merci. Que demain encore on sera avec vous. Amen. Pour parler de ce programme-là. Amen. Allez, très bonne journée. Et puis transmettons nos salutations au bishop Kouma Odette. Merci. Allez, au revoir. Voilà, avec l'APCI, c'est l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire que nous recevons pour le lancement de ces activités de l'exercice 2020. Nous allons recevoir à ce microphone missionnaire Chani Gloria Petinemin, que vous connaissez certainement, pour nous donner la news. Reçois que Dieu tout bénisse, Itio et toute l'équipe de Fréquence Vie. Bonne année, parce qu'on ne s'est pas encore revu depuis. Nous voulons juste dire que le Seigneur est en train d'interpeller en Matthieu 24-22 que si ces temps étaient abrégés, même des élus ne seraient pas sauvés. Mais à cause des élus, il va les abréger. Et comment? Ça, c'est par l'annonce du royaume de Dieu, par l'évangile. Et c'est pourquoi l'alliance des pasteurs est née. Pour que, au travers d'une cohésion, d'une unité véritable, sur la base de l'amour et la fraternité, que nous puissions travailler à installer le règne de Jésus-Christ parmi nous et que nous puissions amener le Seigneur à revenir le plus vite possible, vu, bien sûr, les temps que nous vivons. D'accord, c'est vendredi prochain, voilà. À 7 février 2020, au CEMED. Voilà, le CEMED n'est pas du tout caché, c'est sur le tronçon mobile à Gban, juste après le garage moto, il y a un nouvel glacier qu'on appelle Karim Baba. C'est juste en face de ce glacier, à 50 mètres du garage moto. Donc ce lancement est ouvert à tout le monde, parce que nous croyons que le corps du Christ est amené à impacter. Et toute personne qui veut voir la situation meilleure à son niveau doit comprendre quel est le secret. Et nous pensons que l'Alliance des pasteurs a un programme qui pourra aider chacun à pouvoir s'investir dans ce domaine, à pouvoir réellement donner le meilleur de lui-même, et avec les rudiments qu'il possédera, il saura comme avec l'Alliance des pasteurs, il pourra s'investir dans ces défis que nous voulons relever. Et par la grâce de Dieu, nous aurons à présenter les actions que nous avons déjà menées, les résultats sur le terrain, et puis nous allons présenter nos perspectives, nos défis, afin que toi qui vas écouter, toi qui serais là, toi qui vas aussi apprendre par quelqu'un qui serait là, tu puisses comprendre que ce n'est pas un combat pour une personne, mais c'est un combat pour le retour du règne effectif de l'Éternel dans la Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Que d'accord. Dieu le bénisse. L'apôtre Yavo Richard Blessing est donc l'orateur principal. Justement. Lors de cette rencontre du vendredi prochain 7 février 2020. Voilà. C'est à 9h. À 9h00 au CEMED, aux deux plateaux. Voilà, il y a deux numéros de téléphone que vous allez laisser avant de partir. Le 58 48 75, je répète, le 58 48 75 et le 41 90 60 07. 41 90 60 07. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et ouvert à tout le monde, nous vous attendons ce vendredi à 9h au CEMED. Merci, missionnaire Gloria Tiani, que nous venons de recevoir. Au revoir.